L'élève du grand Tartini d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Vers 1789 ou 1790, demeurait à Berlin le baron de B, qui était, sans contredit, l'un des êtres les plus extraordinaires qu'ait jamais fourni le monde musical. Un jeune musicien de mes amis me communiqua au sujet de ce personnage des détails qui ne sont pas sans intérêt. J'étais à Berlin, me dit ce jeune homme, en même temps que le baron de B, bien jeune encore, à peine âgé de 16 ans, je m'adonnais à l'étude du violon de toutes les forces de mon âme. Le chef d'orchestre Hack, mon respectable mais très sévère professeur, était de plus en plus content de moi. Il louait la précision de mon coup d'archet, la pureté de mes intonations. Enfin, il me laissa jouer du violon à l'opéra et même au concert de la cour. Cependant, j'entendis souvent Hack causer avec le jeune Duport, avec Ritter et autres grands maîtres de la chapelle des réunions musicales, que le baron de B tenait dans son salon avec autant de goût que d'agrément. Le roi lui-même n'avait pas dédaigné d'y prendre part et avait rendu au baron plusieurs visites. Ses maîtres citaient divers ouvrages de vieux maîtres presque oubliés, qu'on n'entendait nulle part que chez le baron de B. En tout ce qui concernait la musique écrite pour le violon, il possédait une magnifique et complète collection de compositions de toute espèce des maîtres anciens et modernes. Il parlait aussi de la manière noble et splendide dont on était reçu chez le baron, et de l'incroyable libéralité avec laquelle il traitait tous les artistes. Tous s'accordaient à le comparer à un astre bienfaisant qui était venu éclairer le ciel musical de Berlin. Ces détails piquaient ma curiosité. Elle redoublait encore quand je voyais les maîtres de la chapelle se rapprocher, se mettre à chuchoter mystérieusement. Je ne pouvais saisir à la volée que le nom du baron et quelques mots sans suite qui me faisaient deviner qu'il était question de l'art musical et de leçons de musique. Je remarquais surtout qu'un rire sardonique errait sur les traits de Duport, qu'il s'adressait avec une certaine malice au chef d'orchestre, que celui-ci lui ripostait à voix basse et ne pouvait de son côté réprimer son envie de rire. Enfin, se retournant vivement et prenant son violon pour donner l'accord, il s'écriait « Quoi qu'il en soit, c'est et ce sera toujours un homme supérieur. » Je ne pus m'empêcher, malgré le danger que je courais d'être éconduit d'une manière un peu brusque, de prier le chef d'orchestre, si toutefois cela était possible, de me présenter chez le baron de B et de me faire admettre à ses concerts. Hack me regarda avec de grands yeux. Je crus qu'un léger orage allait éclater sur ma tête, mais je m'étais trompé. L'air sévère du chef d'orchestre fit bientôt place à un rire singulier. « Eh bien, tu peux avoir raison de me faire cette demande. La connaissance du baron peut être très utile à ton instruction. Je lui parlerai de toi, et je crois qu'il t'accordera aisément la permission d'assister à ses concerts, car il aime beaucoup avoir affaire aux jeunes virtuoses. » Peu de temps après, je jouais avec Hack plusieurs duos de violon très difficiles. « Charles, me dit-il en mettant son violon de côté, endosse ce soir ton habit des dimanches et tes bas de soie. Viens ensuite chez moi. De là, nous irons ensemble chez le baron de B. Il y aura peu de monde et ce sera une bonne occasion de te présenter. » Le cœur me battit de joie, car j'espérais, je ne savais moi-même pas pourquoi, entendre de la musique extraordinairement remarquable. Nous allâmes chez le baron. Le baron était d'une taille un peu au-dessus de la moyenne, avancé en âge et revêtu d'un costume de cérémonie brodé à l'ancienne mode française. Il vint à notre rencontre quand nous entrâmes dans l'appartement et secoua avec affabilité la main de mon maître. Jamais, en présence d'aucun homme de distinction, je n'avais senti plus de vénération et plus de sympathie. Le visage du baron respirait la plus franche cordialité, et dans ses yeux brillait ce feu sombre qui annonce ordinairement les artistes doués d'une véritable vocation. Toute la timidité que je pouvais avoir en ma qualité de jeune homme sans expérience disparut en un moment. « Comment vous portez-vous, mon bon Hack ?» dit le baron d'une voix claire et sonore. « Mon concert marche-t-il bien ? C'est donc demain que nous l'entendrons. Ah ! Voilà donc le jeune homme, ce petit musicien de talent dont vous m'avez parlé. » Je baissai les yeux avec embarras, et je sentais que ma rougeur augmentait à chaque instant. Hack déclina mon nom, éventa mes dispositions naturelles et les progrès rapides que j'avais faits depuis peu. « Ainsi, me dit le baron, entre tous les instruments, tu as choisi le violon, mon enfant. As-tu bien songé que le violon est le plus difficile de tous les instruments imaginables ?»« Oui, le violon, malgré sa simplicité et sa mesquinerie apparente, possède une richesse de son inépuisable et des secrets étranges dont la nature n'accorde la compréhension qu'un petit nombre d'hommes privilégiés. Es-tu bien convaincu que tu deviendras maître de ces secrets ?»« Il y a beaucoup de musiciens qui ont cru arriver à ce but et sont restés toute leur vie de pauvres bousilleurs. Je ne voudrais pas, mon enfant, te voir augmenter le nombre de ces misérables. Eh bien, tu pourras jouer quelque chose devant moi. Je te dirai ce qu'il en est et je te donnerai des conseils. Il peut advenir ce qu'il arriva à Charles Stamitz, qui se croyait la merveille des merveilles. » Lorsque je lui ouvert les yeux, il jeta son violon dans un coin derrière le poêle. Il prit en main la basse de viol et la viole d'amour et fit bien. Il pouvait du moins faire manœuvrer ses larges doigts sur ses instruments et en jouer passablement. « Eh bien, je t'entendrai, mon enfant. » Ces premières paroles un peu singulières du baron me déconcertèrent. Tout ce qu'il me disait pénétrait profondément dans mon âme, et je sentais avec un découragement intérieur que malgré mon enthousiasme pour le plus difficile et le plus mystérieux des instruments, je n'étais peut-être pas apte à la tâche à laquelle j'avais consacré ma vie. On commença à jouer trois quatuors de Haydn, qui étaient alors dans toute leur nouveauté. Mon maître tira son violon de sa boîte, mais à peine en eut-il touché les cordes pour l'accorder, que le baron se boucha les deux oreilles et s'écria comme hors de lui « Ah, ah, je vous en conjure, arrêtez ! Au nom du ciel ! Comment pouvez-vous perdre votre talent sur un violon aussi misérable, aussi criard, aussi cacophonique ?» Le chef d'orchestre avait le violon le plus parfait que j'eusse jamais vu et entendu. C'était un chef-d'œuvre d'Antonio Stradivarius, et Hack était désespéré quand on ne rendait pas à son instrument favori les honneurs qu'il méritait. Quel fut mon étonnement de le voir serrer son violon en souriant. Il savait sans doute ce qui allait se passer. Au moment où il ôtait la clé de la serrure de sa boîte à violon, le baron, qui était sorti de l'appartement, y rentra tenant une boîte couverte de velours rouge écarlate et ornée de franges d'or. Il la portait devant lui, sur les deux bras comme une corbeille de noces ou comme un nouveau-né qu'on va faire baptiser. « Je veux vous faire honneur, Hack, » s'écria-t-il. « Vous allez jouer aujourd'hui de mon plus vieux et de mon plus beau violon. C'est un véritable Granuello. » Et près de ce vieux maître, son disciple, votre Stradivarius n'est qu'un paltoquet. Tartini ne pouvait se servir d'autres violons que ceux de Granuello. Allons, rassemblez toutes vos forces, afin que ce Granuello mette à votre disposition ses immenses trésors d'harmonie. » Le baron ouvrit la boîte, et j'aperçus un instrument dont la forme annonçait la haute antiquité. À ses côtés reposait un archet très extraordinaire, qui par son excessive courbure semblait plus propre à lancer des flèches qu'à faire de la musique instrumentale. Le baron prit le violon avec précaution et solennité et le présenta au chef d'orchestre qui le reçut non moins cérémonieusement. « Je ne vous donne pas l'archet, » dit le baron en souriant et en frappant familièrement sur l'épaule de Hack. « Non, je ne vous donne pas l'archet, car vous ne vous entendez pas à le conduire, et c'est pourquoi jamais de votre vie vous ne parviendrez à avoir un coup d'archet régulier. » Le baron éleva l'archet en question et l'examina avec des yeux brillants de plaisir. Puis il poursuivit. « C'est un archet semblable qu'employait le grand et immortel Tartini. Et après lui, il n'y a que deux de ses élèves qui aient conservé le secret de ce jeu moelleux, sonore, allant à l'âme, possible seulement avec un pareil archet. L'un est Nardini, qui a maintenant 60 ans, et est cependant un grand musicien. L'autre, vous le savez, messieurs, c'est moi-même. Je suis le seul possesseur du véritable art du violon, et mes efforts constants m'ont rendu supérieur dans cet art dont Tartini fut le créateur. Maintenant, messieurs, continuons. » Les quatuors de Haydn, comme on peut bien le penser, furent joués avec une telle perfection qu'ils ne laissaient rien à désirer. Le baron s'était assis, les yeux fermés, et se dandinait de côté et d'autre. Parfois il se levait, se rapprochait des joueurs, examinait leur cahier de musique en fronçant le sourcil, s'éloignait à pas de loup, revenait, se replaçait sur sa chaise, mettait sa tête entre ses mains et poussait de longs gémissements. « Arrêtez !» s'écriait-il soudain, lorsqu'il y avait quelques passages mélodieux dans l'adagio. « Vrai Dieu ! C'est une mélodie tartinienne, mais vous ne l'avez pas comprise. Encore une fois, je vous en prie. » Et les musiciens répétaient en souriant le passage avec plus de lenteur et d'attention, et le baron soupirait et pleurait comme un enfant. Quand les quatuors furent achevés, le baron prit la parole. « Cet Haydn est un homme divin. Il sait remuer les cœurs, mais il n'entend rien à écrire pour le violon. Peut-être, au reste. Lui serait-ce inutile, car s'il écrivait dans la seule véritable manière, celle de Tartini, vous ne pourriez pas le jouer. » C'était à mon tour de jouer quelques variations que Haack avait composées pour moi. Le baron se plaça à mes côtés et regarda la musique. On peut s'imaginer le trouble que m'inspirait la présence de ce critique sévère. Mais bientôt, un vigoureux allegro m'entraîna. J'oubliais le baron et déployais toute la puissance de mes moyens. Quand j'eus fini, le baron me frappa sur l'épaule et me dit avec un gracieux sourire « Tu peux continuer à t'occuper du violon, mon fils. Mais tu n'entends absolument rien au coup d'archet et à l'expression. Ce qui peut provenir de ce que tu n'as pas encore eu à faire à de bons maîtres. » On se mit à table. On avait servi dans un autre appartement un repas qui pouvait passer pour somptueux et qui se faisait surtout remarquer par la quantité et la diversité des vins fins. Les musiciens mangèrent avec appétit. La conversation, toujours de plus en plus bruyante, roula exclusivement sur la musique. Le baron développa un trésor de connaissances supérieures. Son jugement, tranchant et acerbe, attestait non seulement le plus habile des connaisseurs, mais encore un artiste plein de talent, d'esprit et de goût. Je remarquai surtout la galerie de violons célèbres qu'il déroula à nos yeux. Autant que je m'en souviens, il s'exprimait à peu près en ces termes. Corelli ouvrit la route. Ces compositions ne peuvent être jouées qu'à la manière de Tartini, et cela suffit pour prouver avec quelle attention il avait étudié son art. Bugnani est un violon passable, il a du son et de l'intelligence, mais, à force d'appoggiature, il rend son coup d'archet mollasse. Que ne m'avait-on pas dit de Geminiani? Quand je l'entendis pour la dernière fois à Paris il y a 30 ans, il jouait comme un somnambule. Et il me semblait moi-même que je rêvais. C'était un bruyant tempo rubato sans style et sans terme. Ce maudit et éternel tempo rubato perd les meilleurs violons en leur faisant négliger leur coup d'archet. Je jouais mes sonates devant lui. Il reconnut ses erreurs et voulut prendre des leçons de moi. Ce à quoi je consentis volontiers. Mais le vieillard était encrouté dans sa méthode et d'ailleurs il était trop vieux. Il avait alors 91 ans. Que Dieu pardonne à Giardini et ne le punisse pas dans l'éternité, car c'est lui qui, le premier, a mangé ta pomme de l'arbre de science et a rendu pêcheur tous les violons qui l'ont suivi. C'est lui qui, le premier, a fait des roulades et des fioritures. Il ne songe qu'à sa main gauche et à l'élasticité de ses doigts. Il ne sait pas que l'âme de l'harmonie est dans la main droite et que les sentiments qui font battre le cœur viennent animer cette main et communiquer au pouls leur agitation. Je souhaiterais que tous ceux qui font des passages eussent à leur côté un homme disposé à leur appliquer un bon soufflet, tel que celui que Gemelli donna à Giardini, qui gâtait un morceau superbe par des trios hors de saison. Loli est un grimacier. Il ne sait pas jouer le moindre adagio, et tout son talent est de se faire admirer par des badauds ignorants. Je vous le dis, avec Nardini et moi mourra le véritable art du violon. Le jeune Viotti est un homme plein de talent. Il m'est redevable de ce qu'il sait, car ce fut mon écolier le plus zélé. Mais il n'a point de patience, point de persévérance. Il a quitté mon école. J'espère faire quelque chose de Kreutzer. Il a suivi mes leçons avec assiduité, et elles lui seront encore utiles quand je retournerai à Paris, où il est en ce moment. Vous savez, Hack, mon concerto que nous avons essayé ensemble, eh bien, il ne l'a pas trop mal joué. Mais il manque de poignets pour tenir mon grand archet. Quant à Djarnovici, qu'il ne repasse plus le seuil de ma maison. C'est un lâche, un scélérat, qui se moque du grand Tartini et refuse mes leçons. Je voudrais bien savoir ce que deviendra le jeune Rhodes s'il prend des leçons de moi. Il promet beaucoup, et il est possible qu'il parvienne à se servir de mon grand archet. Rhodes est de ton âge, mon enfant, continua le baron en se tournant vers moi, mais il est plus grave, plus posé. Ne le prends pas de mauvaise part, mais tu me parais un petit étourneau. Mais cela viendra. J'espère beaucoup de vous, mon cher Hack. Depuis que je vous donne des leçons, vous êtes déjà un tout autre homme. Persévérez avec courage, et ne manquez pas de leçons. Vous savez que cela me contrarie. Tout ce que j'entendais me pétrifiait d'étonnement. Je ne pus attendre la fin de la séance pour demander au chef d'orchestre s'il était vrai que le baron eût formé les premiers violons du temps et si lui-même, Hack, prenait réellement des leçons chez lui. « Sans doute, » répondit Hack, « le baron daigne me donner des leçons que je me garde bien de refuser. Tu feras bien d'aller toi-même un matin chez lui et de le prier de se charger de ton instruction. » Je fis à Hack plusieurs autres questions relatives au baron et à son talent, mais il ne me répondit pas un mot. Il se borna à me répéter que je pouvais faire ce qu'il me conseillait et que j'apprendrais le reste. Le sourire étrange qui effleura les lèvres de Hack excita au plus haut degré ma curiosité, bien que je ne devinasse pas le motif de cette gaieté concentrée. Je présentai humblement ma requête au baron, en lui assurant que j'éprouvais pour mon art l'enthousiasme le plus ardent et le plus prononcé. Il me regarda fièrement, mais bientôt son regard sévère prit l'expression de la plus bienveillante bonhomie. « Enfant, enfant !» me dit-il. « Tu t'adresses donc à moi, comme à l'unique violon qui soit encore au monde ? Eh bien, cela prouve que tu as pour l'art une vocation réelle, et que tu as conçu en ton âme l'idéal de la perfection instrumentale. Quel plaisir n'aurais-je pas à t'aider ? Mais où prendre le temps ? Où prendre le temps ? Hack me donne beaucoup de peine. Et puis il y a le jeune Durand qui veut se faire entendre en public, et qui a bien vu que ce serait impossible s'il ne faisait chez moi un cours d'études bien suivi. Mais attends, attends. Entre le déjeuner et midi, ou avant le déjeuner, oui, j'ai encore une heure à moi. Enfant, viens tous les jours à midi précis. Je jouerai du violon avec toi durant une heure, puis ce sera le tour de Durand. » On se figure aisément que dès le lendemain, le cœur palpitant, je me rendis chez le baron. Il ne souffrit pas que je me servisse du violon que j'avais apporté. Il me mit entre les mains un gothique instrument d'Antonio Amati. Jamais je n'avais joué d'un semblable violon. Les sons célestes que rendirent les cordes m'animèrent. Je m'égarai dans de brillants passages. Je fis couler à flots retentissants des torrents d'harmonie, dont le bruit diminuant par degrés, finit par se perdre dans un doux murmure. Je crois qu'il m'est rarement arrivé par la suite de jouer aussi bien. Le baron hocha la tête d'un air d'impatience. « Enfant, enfant, me dit-il lorsque je cessai, il te faut oublier tout cela. D'abord, ta manière dont tu tiens ton archet est tout à fait misérable. » Il m'enseigna ensuite comment on devait tenir l'archet d'après la méthode Tartini. Je crus qu'en la suivant, il me serait impossible de tirer aucun son de mon instrument. Mais je fus bien étonné lorsque, répétant mes passages sur l'invitation du baron, je vis en quelques minutes les immenses avantages de la manière qu'il m'avait indiquée. « À présent, dit le baron, nous allons commencer la leçon. Joue-moi un ut mineur et soutiens la note aussi longtemps que tu pourras. Épargne ton archet, épargne ton archet. Car ce que la laine est au chanteur, l'archet l'est à l'instrumentiste. » Je fis ce qu'il m'ordonnait, et à ma vive satisfaction, je parvins à faire entendre un ut plein, en montant du pianissimo au fortissimo pour redescendre ensuite. « Vois-tu bien, mon enfant ? » s'écria le baron. « Permis à toi de faire de jolis passages, des fioritures, des tris et autres frivoles ornements de la nouvelle école. Mais tu ne sais pas tenir une note comme il faut. Je vais te montrer ce qui s'appelle tenir un son sur le violon. » Il m'ôta l'instrument des mains et saisit l'archet. Ici, les paroles me manquent pour exprimer ce qui se passa. Son archet tremblant monta et descendit tout près du chevalet et produisit une effroyable cacophonie. C'était un ronflement, un sifflement, un miaulement affreux. Enfin, un bruit qu'on pourrait comparer à la voix chevrotante d'une vieille femme qui, les lunettes sur le nez, se tourmente pour fredonner l'air d'une chanson qu'elle veut retenir. En même temps, il regardait le ciel comme plongé dans l'extase de la béatitude, et quand il eut cessé de promener l'archet sur les cordes et posé près de lui l'instrument, il s'écria, les yeux étincelants et d'une voix profondément émue, « Voilà un son, voilà un son !» J'étais tout déconcerté. L'envie de rire qui me suffoquait était comprimée par l'air vénérable et le regard inspiré du vieillard. Il me semblait que j'étais le jouet d'une illusion fantastique. Je sentais ma poitrine oppressée et il me fut impossible de prononcer une seule parole. « N'est-ce pas, mon enfant ? » reprit le baron, « que ce son t'a été à l'âme ? Tu ne te figurais pas qu'avec quatre pauvres petites cordes, on arriverait à produire un si merveilleux effet ? Maintenant, bois, bois, mon enfant !» Le baron me versa un verre de vin de Madère et m'obligea de le boire et de manger quelques gâteaux qui étaient sur la table. En ce moment, une heure sonna. « En voilà assez pour aujourd'hui !» s'écria le baron. « Va, va, mon enfant, et reviens bientôt. Tiens, prends, prends !» Le baron me glissa dans la main un petit papier où j'aperçus un ducat hollandais brillant et bien frappé. Tout stupéfait, je courus chez le chef d'orchestre et lui racontai ce qui s'était passé. Il se mit à rire aux éclats. « Sais-tu bien maintenant, s'écria-t-il, ce qu'il en est du baron et de ses leçons ? Il te prend pour un commençant. Aussi ne t'a-t-il donné qu'un ducat pour te récompenser d'avoir pris sa leçon. Mais aussitôt qu'à ses yeux tu seras devenu plus fort, il augmentera tes honoraires. Je reçois déjà un louis, et Durand, si je ne me trompe, touche deux ducats. » Je ne pus m'empêcher de dire qu'il était étrange de mystifier ainsi le bon vieux baron et de lui extorquer ses ducats. « Il faut que tu saches, répondit le chef d'orchestre, que le seul bonheur du baron est de donner de semblables leçons. Si nous refusions de les prendre, il irait dire partout dans le monde, des autres maîtres et de moi, que nous sommes de misérables ignorants, et on le croirait, car on le regarde généralement comme un excellent connaisseur. Mais enfin, à part son idée fixe et sa manie de se croire le plus habile des violons, le baron est un homme dont le jugement sain et les savants conseils peuvent être de la plus grande utilité, même à la plupart des maîtres. Juge maintenant toi-même si j'ai tort de tenir à lui malgré sa folie et d'aller de temps en temps gagner mon louis d'or. Va le voir souvent, n'écoute pas ses absurdités, mais fais bien attention aux paroles pleines de sens qui dénotent en lui un homme pénétré du sentiment de la musique. Les visites que tu lui rendras ne peuvent que te faire du bien. » Je suivis le conseil de mon maître. Quelquefois, j'avais peine à m'empêcher de rire en voyant le baron promener ses doigts, non pas sur le manche, mais sur la table du violon, et faire aller en tous sens l'archet sur les cordes. Pendant ce manège, il m'assurait qu'il jouait le plus sublime des solos de Tartini et qu'il était le seul au monde capable d'exécuter ce solo. Mais, lorsqu'il posait le violon et se mettait à causer, il me dévoilait des trésors de science dont je m'enrichissais, et ses discours remplissaient mon âme d'une noble ardeur. Je figurai un jour avec succès dans un de ses concerts, et j'obtins des applaudissements unanimes. « C'est à moi que ce jeune homme doit ses talents, » dit-il en promenant autour de lui un regard de fierté. « C'est moi qui l'ai formé, moi, l'élève du grand Tartini. » Ainsi, les leçons du baron me valurent du plaisir, de la science et des ducats hollandais de bon aloi. Ainsi s'achève l'élève du grand Tartini, d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.